Le feu de croisement gauche de ma voiture ne fonctionne pas. Hors agglomération, quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, plutôt que de rouler avec un véhicule borgne, il est préférable d'allumer les feux de brouillard avant afin d'être sûr d'être vu. Les feux de position uniquement ne sont pas suffisants. Et bien sûr, dès que possible, je change l'ampoule défectueuse. Réponse A et D.